dis que t'es la plus fraîche, t'es ma baby, t'es ma mimi. Je kiffe comment tu fais bouger ton corps. Et j'espère que t'es prête, avec moi y'a zéro limite. Baby girl, ce soir y'aura du corps à corps. Donc tranquillement pour moi je veux te voir danser. T'es sur la bonne lancée, t'as le truc qui me fait mettre d'accord. Et laisse-moi franchir ta zone de danger. T'inquiète, je vais pas te manger. Laissons nos corps sur les mêmes accords. Baby girl, faut que ça glisse à mort. Que t'étais où à bord. Car la nuit sera longue, donc faut m'y kiffer à mort. Donc allez pas trop vite, Léo m'a pas trop vite. Va nous dire ensemble ton ex est sa mort. Et toi t'es pas comme toutes ces nanas. Après c'est tout nana. On a un temps d'avance et tout banane. Ouais, j'suis peut-être le chouchou des nanas. Mais après c'est tout nana. C'est où la baisse, donc allez dis banane. À la moins on s'en ouvre, mais si va aussi. Bandé. Un caf comme moi, on trouvera pas plus bandé. Mais on fait pète mon tête, tout ça, on sort de ma demande. Pour où tout mon bon zot, pas m'a bordé. Donc, à soi, m'y veut voir ou danser. Nous deux aussi, le même qu'à danser. Yeah. Donc, à soi, m'y veut voir ou danser. Nous deux aussi, le même qu'à danser. Mais t'es la plus belle, t'es la plus fraîche, t'es ma jolie. Et parmi toutes ces nanas, t'es ma jolie. Mais t'es la plus belle, t'es la plus fraîche, t'es ma jolie. Et parmi toutes ces nanas, t'es ma jolie. Ma tenue fort ton vin, souffle et roule ça pour moi. Baby girl, la soirée c'est où, m'y veut rien pour moi. Et m'y voudrait qu'on balance ça, comme ça. Si moi de haut en bas frotte ça, comme ça. Donc laisse ça où aller, pas besoin où la faire. C'est rien quand nous t'es où, donc après plus meilleur. Donc laisse ça où aller, pas besoin où la faire. Quand nous t'es où les doux, laisse pas gérer ton affaire. À la moins où ça ouvre, mais tu vas oser bander. Un caf comme moi, on trouvera pas plus bandé. Mais on fait pète mon tête, tout ça, on sort de ma demande. Pour où tout mon bon zot, pas m'aborder. Donc à soi, m'y veut voir ou danser. Nous deux aussi, le même qu'à danser. Yeah. Donc à soi, m'y veut voir ou danser. Nous deux aussi, le même qu'à danser. Mais t'es la plus belle, t'es la plus fraîche, t'es ma jolie. Et parmi toutes ces nanas, t'es ma jolie. Mais t'es la plus belle, t'es la plus fraîche, t'es ma jolie. Et parmi toutes ces nanas, t'es ma jolie.